Montana Bisso. Oye nena, si te quieres divertir conmigo, vamos a la América Latina que vamos a hacer tremenda fiesta. ¿Con quién? Con Bisson a Bisson. 40 sous soleil, bonne bossa, salsa, samba. 6 secs chaleur et les bondas se secouent. Les Congolais viennent se la couler douce sur tête et bronzée. Une île style carte postale sur un Mac et Cigar Max Astral. Cigar au bec, la tête qui l'a plus sec, villa. Sur la côte avec les mecs du double bisonnec. Plus ultra break après la guérilla, je tire les creluques. Des grouilles comme maillot, les pecs contractent et les nuques bougent sur des trucs royaux zoom. Sur un cliché où je me bronze les miches, niché dans une péniche en plein océan riche. On niche, on s'en chichi, le chichon brûle ici, la croisière s'amuse. La mer, les muses en string, le sus, couleur flow sur la peau, ça les corps sus. Hey les gars, vamos à la playa. Chantons, chantons sur un air de sale. Ça, c'est aussi bon ça. Façon bossa nova avec la familia. La mer est bleue, les femmes ont tout un regard angélique. El Diablo, el bandido, soy el negro, que se me consume poquito. Il fait trop chaud pour travailler. Cocktail, rhum, jus de banane, je me pavane avec mon Havane, je suis loin de Panama. Sur ma tête, mon chapeau, un Panama. De mon Cadillac, Placo Pacabana, un son du Panama. Je teste tous les tequila, je tease la pina colada. Je bouffe pornada, beau décor, je flâne, torse et pec dehors. Comme à Brazza, Basse-Terre, Brasilia et au Cap-Vert. Loin des villes hostiles, en exil, j'exèle pour belle demoiselle des îles. Déploie mes ailes au Brésil, ciel azur et samba. Jusqu'au coucher du sun, j't'assure en samba. Les coronets tant que la teuf dure. Ça le fait, ça sue, ça est là, ça remue les seufs. Couleur café, le beau s'habille sauffé, fait parfait. Ouais, certi parfait par mes types et moi un trip à part pour kiffer. Moi des keufs sous les palmiers, la teuf, les seufs. On bluffe les Amazones, ça change des meufs de la zone. Coup de hanche à gauche et coup de hanche à droite. Que de déhancher, le but ne pas rester sur place. Calme, brillant, sa patte cirée. Sur la piste, tous les hommes sont bien chirés. Chire des ivres, mais enivré par cette musique. De façon à ce que les mourères kiffent vite. Tu peuras, bossa, faut que ma bossa passe à Nova. Nino dit qu'il s'y pas, on jeté ripa pour le Brasilia. Les sombres héros n'ont pas mis de sombrero. Les boss du Bisso en bossa passent à Rio.